voulant mais profond. Mais comme on sente rien, on va vous pilonner à mort jusqu'à ce que les fondements de la société s'effondrent. On va baisser les classes moyennes jusqu'à la moelle, enrichir les riches et faire péter le chiffre d'affaires à Noël. On va jouer avec les taxes pour vous tromper, augmenter le kilowattheure chez EDF et baisser le prix du gaz, voilà la pompe. On va réparer le passé en détruisant l'avenir et détourner ton attention avec tes ovnis. On va te faire croire à des conneries complètement débiles, et puis tu seras tellement convaincu que tu seras crédible. On va se concentrer sur le chômage orient, on aura que pour des accords de merde et financer les guerres au Moyen-Orient. On va te mettre la télé dans la tête pour t'abrutir et te formater pour être absolument inutile. On va te la mettre comme d'habitude mais t'as pas idée, on va te brider sans que tu t'en rendes compte, on va te liquider le cerveau. On continuera de vous la mettre parce que vous n'avez rien dans la tête. Bande de cons, on vous la met profond parce que vous êtes trop bête. T'as pas idée, on va te brider sans que tu t'en rendes compte, on va te liquider le cerveau. On continuera de vous la mettre parce que vous n'avez rien dans la tête. Bande de cons, on vous la met profond parce que vous êtes trop bête. T'as pas idée, on va te brider sans que tu t'en rendes compte, on va te liquider le cerveau. On continuera de vous la mettre parce que vous n'avez rien dans la tête. Bande de cons, on vous la met profond parce que vous êtes trop bête. T'as pas idée, on va te brider sans que tu t'en rendes compte.